on l'a refait, mais comment je fais pour... Je sais pas comment on fait pour le refrain. Allez, vas-y. Faut aller voir une pièce de refrain. Comment on peut faire? T'es passé sur autre chose. J'ai pas eu le temps de la faire. Allez. Allez, refais-la vite fait. Allez. Je repars. Tu veux que je parte en premier? Je sais pas, non. Je sais pas. Tout à l'heure, ça passait. deux pianistes. I got too much time running from my veil, going to where I don't wanna die, but I came on living ever before I fall in love. I'm preparing to leave avec mon super anglais pourri. Allez, une autre. Je sens.